des lignes Cali, Cali, Cali, Cali. Équipe on monte sur Paris, Paris, Paris. Elle aime le Wally, Wally, Wally, Wally. Elle veut que la Marie, Marie, Marie, Marie. Mets des lignes Cali, Cali, Cali, Cali. Équipe on monte sur Paris, Paris, Paris. Elle aime le Wally, Wally, Wally, Wally. Elle veut que la Marie, Marie, Marie, Marie. J'ai les élastiques, t'amènes la caille. Si t'es chelou, ça sent le piège. J'annule le RDV, j'annule le RDV. J'suis dans la choupette, j'la fais monter. Elle t'aime à la bête. J'regarde son siège, son boulet énervé, son boulet énervé. Elle me dit tu rentres vite, je lui dis ça dépendra de mon prrr. 38, je dois répondre à la demande, à l'offre, au langage du kalash. Nicole, je suis dans le bolide, j'ai les reins solides, comme un trafiquant. J'attends que les têtes poussent, elle veut que je les pousse, je trouve ça flippant. Faut des témoins comme dans un accident. Pourquoi tu paniques? J'ai les gros cailloux pour te faire planer, des roches volcaniques. Je rentre dans ta soirée, fonce des armées comme un enfoiré. Tu jacques ton bigot, en face tu bégayes, t'es pas calibré, fais pas la reggae. Je m'achète un gamos au prix d'un paftard. Elle est pure, ciel est bleu comme un avatar. Je suis un gros bâtard, j'ai de la poussière sur un de mes fers comme au Qatar. Je suis dans la zine cuit, tu bouffes ce que je te prépare. Je passe pas par les vestiaires. Si elle coopère, je lui prends un Uber. J'ai pris les dollars, les deux gars sont là. Trop tard pour annuler le contrat. Medellin Cali, Cali, Cali, Cali. Équipe on monte sur Paris, Paris, Paris. Elle aime le Wally, Wally, Wally, Wally. Elle veut que la Marie, Marie, Marie, Marie. Medellin Cali, Cali, Cali, Cali. Équipe on monte sur Paris, Paris, Paris. Elle aime le Wally, Wally, Wally, Wally. Elle veut que la Marie, Marie, Marie, Marie. J'ai les élastiques, t'amènes la caille. Si t'es chelou, ça sent le piège. J'annule le RDV, j'annule le RDV. J'suis dans la choupette, j'la fais monter. Elle t'aime à la bête, j'regarde son siège. Son boulet énervé, son boulet énervé. J'rentre à 6h, peuvent pas me surprendre. Couille dans le mixeur, tu veux nous apprendre. On te met une amende si tu payes en retard. Sans sur les chicots, flamme dans le regard. Elle veut le taureau dès le premier encart. Mais j'dois ravitailler la zone. On paye pas si c'est pas du jaune. J'fais disparaître le stress avec un cône. J'dois tout vérifier parce que les ports sont en train de monter. Une fiche, j'peux pas lever le pied. Sinon les petits vont s'inventer une vie. Tête de Médusa, j'suis dans une suite. Le dompé est au frais. J'dépense sans regarder. C'est le comptable qui m'appelle pour les faux frais. Grosse saisie de coke, à qui la faute? Trahi par un apôtre. J'reviens de la côte, j'fais monter ma cote et l'affichage tête haute. Souvent le goro et le vaisseau se perdent dans un trou noir. Frappe en profondeur dans les couloirs, ça rafale pour le pouvoir. Medellin Cali, Cali, Cali, Cali. Équipe on monte sur Paris, Paris, Paris. Elle aime le Wally, Wally, Wally, Wally. Elle veut que la Marie, Marie, Marie, Marie. Medellin Cali, Cali, Cali, Cali. Équipe on monte sur Paris, Paris, Paris. Elle aime le Wally, Wally, Wally, Wally. Elle veut que la Marie, Marie, Marie, Marie. J'ai les élastiques, t'amènes la caille. Si t'es chelou, ça sent le piège. J'annule le RDV, j'annule le RDV. J'suis dans la choupette, j'la fais monter. Elle t'aime à la bête, j'regarde son siège. Son boulet énervé, son boulet énervé. We'll be right back.